On passe au quatrième hadith. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a cité ce hadith qui est rapporté de Abu Abd al-Rahman. C'est la kunya de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui fait partie des premiers compagnons à s'être converti. Il fait partie des premiers, des tout premiers compagnons à s'être converti à l'islam. Et la cause de sa conversion est un miracle. أسلم على إثر معجزة رآها في أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. À la suite d'un miracle qu'il a vu devant lui, du prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم était avec Abu Bakr رضي الله عنه. Et Abdullah ibn Mas'ud était un berger. C'était un jeune homme qui était berger pour une personne de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu et lui a dit: est-ce que tes bêtes ont du lait? Abdullah ibn Mas'ud a répondu oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était avec Abu Bakr, lui a dit: donne-nous-en. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a répondu: ana rajulun mu'taman, moi cela ne m'appartient pas, je ne suis qu'un employé. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pour refuser. Car il y avait al-aman, le dépôt. Même avant l'islam, les Arabes avaient cette qualité. Al-aman, le dépôt. Le fait d'être quelqu'un de confiance lorsqu'on te confie quelque chose. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu as une bête qui n'a pas été montée par un mâle? Il lui a dit oui. Il lui a dit amen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les mamelles de la bête et les a frottées et a invoqué Allah Azza wa Jal. Et elle s'est remplie de lait. Elle s'est remplie de lait alors qu'elle n'avait pas enfanté. Lorsque Abdullah ibn Mas'ud a vu ce miracle, il a dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Je reconnais qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah. Le seul à mériter entièrement toute l'adoration est Allah. Et moi, et que tu es, je reconnais également que tu es le messager d'Allah. Donc lorsqu'il a vu ce miracle, il s'est converti à l'islam. Ce hadith, donc, il commence, avant de nous citer le hadith, en nous disant: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté, et c'est le véridique. Wa huwa sadiq, c'est le véridique. El masduq, celui dont on reconnaît la véracité. El sadiq, c'est celui qui dit la vérité, qui est véridique dans ses propos. El masduq, celui qui, lorsqu'il s'exprime, on reconnaît ses paroles et leur véracité. Pourquoi est-ce qu'il a commencé, avant de dire le hadith, par ces paroles-là? Wa huwa sadiq el masduq. Car ce qui va être cité dans ce hadith relève du monde de l'invisible. Ce qui va être cité dans ce hadith relève du monde de l'invisible. Alors, c'est comme s'il nous éduquait à accepter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le message d'Allah. Donc même si ce qui est cité dans ce hadith, on ne le voit pas, on doit y croire. Pourquoi? Car c'est la parole de qui? Du messager d'Allah. C'est l'heure? Oui. Car c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis dans ce hadith, il nous a cité les étapes de la création. Et on verra cela, incha'Allah, pas la semaine prochaine, car ça sera le Eid, incha'Allah, mais dans 2 semaines. Donc la semaine prochaine, vendredi prochain, il n'y aura pas cours. Il n'y aura pas cours. La semaine après celle du Eid, on reprendra. Donc vendredi prochain, il n'y aura pas cours. Mais la semaine qui suivra, le vendredi du Eid, inshallah ta'ala. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yufaqihana fi dinina wa an yu'allimana ma jahilna wa an yanfa'ana bima 'allamana إنه أكرم مسؤول جواد كريم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.